19-16, activation orale, l'heure. Robert ne comprend pas très bien le langage précis des horaires. Traduisez pour lui les heures suivantes en langage courant. Vérifiez avec l'enregistrement. Ah. 5h15. B. 11h20. C. Minuit 10. D. Midi et demi. E. 2h15. F. 4h-5.